Dis-moi où t'étais, je suis seul dans la cité. J'ai pété l'air si sans personne les banaliser. Je suis malade depuis, je me suis endetté. Mon cœur a saigné, y'a plus personne pour le réparer. J'endors pas la nuit, y'a des blèmes au bloc, ça le vit. J'fais ce gars dans la log, d'un peu puff à bord, tu me suis. Nuage de fumée, grand suite étoilée, c'est ma vie. Elle me dit je t'aime, j'évite ses ragots, je veux mes sous. Elle veut toujours plus, je suis au fond du bas, train que je sous. Nuage de fumée, grand suite étoilée, c'est ma vie. J'ai perdu mon temps à écouter la merde. Il me faut délover, que je me tire de tous ces bourbiers. Je rallume le mégot, ils ont vendu la mèche. On serre pas la main, ceux qui bossent avec les condés. Je suis sorti du bank, ils m'ont vu dehors. Je compte devant eux, ils m'en veulent la mort. Je fais tout pour ma vie, je fais tout pour mon bif. Je quitte le continent avec mes téléports. Sur le palier ça sent la pétave, eh. Maman m'a dit faut pas la picrave, eh. J'ai des projets, il faut pas que je coule. Je veux pas rester coincé dans des bails chelous. J'ai sorti le bifton, elle me dit qu'elle est déçue. J'ignorais qu'elle pensait que j'étais dans les postures. Bébé on fait la paire, c'est une évidence. Si demain y'a haja, j'prendrai ta défense. J'ai perdu mon temps à écouter la merde. Il me faut délever, que je me tire de tous ces bourbiers. J'allume le mégot, ils ont vendu la mèche. On serre pas la main, ceux qui bossent avec les condés. Je suis sorti du bank, ils m'ont vu dehors. Je compte devant eux, ils m'en veulent la mort. Je fais tout pour ma vie, je fais tout pour mon bif. Je quitte le continent avec mes téléports. Je compte devant eux, ils m'en veulent la mort. Je fais tout pour ma vie, je fais tout pour mon bif. Je quitte le continent avec mes téléports.